sallallahu alayhi wa sallam. Maïmouna, qui fait partie des mères des croyants, une petite parenthèse ici, qui fait partie des mères des croyants, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anhun, Maïmouna bintul Harith. Ici, nous avons 11 femmes avec lesquelles s'est marié notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous savez le nom de ces femmes? Chacun de nous connaît le nom de sa mère. Ces femmes-là sont les mères des croyants. Elles sont nos mères, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elles ont des droits sur nous, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a des droits sur nous. Vous vous rappelez, dimanche, on a commencé le troisième fondement dans Al-Usul al-Thalatha et on a commencé ce troisième fondement qui est la connaissance de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, Cheikh al-Islam, dans le matn, dans le livre Thalathatul Usul, les trois fondements, a rapporté le résumé de ce qui est impératif pour le musulman de connaître à propos de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est un droit qu'il a sur nous. Comme ceci, ces femmes qui sont nos mères. Est-ce que l'un d'entre nous peut dire « Je ne connais pas le nom de ma mère, je ne connais pas qui est ma mère, je ne connais pas » Ce que je veux dire, chacun d'entre nous qui connaît sa mère, et si on lui demande le prénom de ta mère, il n'y a pas un d'entre nous qui va dire « Je ne connais pas ces femmes-là. » Radiallahu anhum sont nos mères, les mères des croyants. Est-ce que vous connaissez le nom de ces 11 femmes? Je vais vous aider, on va juste les prendre chacun entre nous. L'ulama, ils utilisent un moyen mémotechnique pour se rappeler de ces 11 femmes. Ils disent « Khassun » Ma'a jazarin siha. Le khas en arabe c'est la laitue, la salade. Ma'a jazar, le jazar c'est la carotte. La laitue ou la salade avec de la carotte, siha, c'est la santé. Tu manges de la salade et de la carotte, c'est la santé. C'est un moyen mnémotechnique. Nous avons al kha de khas. Khassun ma'a jazarin siha. Nous avons chaque lettre de cette phrase-là, des mots de cette phrase, qui correspond au nom de l'une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier, le kha. Khadija bint Khuwaylid. Ahsantum. Khadija tu bint Khuwaylid. Kha. Sin. La. Hein? Sin. Aïe, chabab, ahsant, Saoudatou bintou Zam'a, Saoudatou bintou Zam'a, Saouda, Sin. Quand est-ce qu'il s'est marié le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Saouda? Hein? Ba'da mouti Khadija. C'est avec elle qu'il s'est marié après la mort de Khadija, radiyallahu anha. Saouda, puis Aïcha, radiyallahu anhun. On a dit donc, Al-Kha wa Sin. Al-Mim. Ma'a, Al-Mim, hein? Maïmouna, bint Man, Al-Harith, Al-Ayn, Aïcha, bint Abi Bakr, Al-Siddiqatu, bint Al-Siddiq, Ma'a, Jazarin, Al-Jim, Ahsant, Juwayriya. Juwayriya est son nom à la base, à Juwayriya, quel était-il? Elle s'appelait Barra. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a nommé Juwayriya. Juwayriya bintul Harith. Bintul Harith aussi. Ce n'est pas la sœur de Maïmouna, mais elle s'appelle, son père s'appelait aussi Al-Harith. Donc nous avons Al-Jim, Al-Ra, Jazar, Al-Zay, Ma'adratan, Zaynab, Zaynab Man, Bintu Jahsh, c'est tout. Hein? Hein? Tfaddal. Ahsant, قل. La. Kharib yani minhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec deux femmes qui s'appelaient Zaynab. On a Zaynab bint Jahsh wa Zaynab bint Khuzaymah. Bint Khuzaymah. Donc deux Zaynab dans Zay de Jazar. Arra. Ramla. Ahsant. Ramla bint Man. Abi Sufyan. Elle est connue comme quelle, sous quelle, c'est sa kunya, elle est connue par sa kunya. Comment elle est connue? Ummu Habiba. Ummu Habiba. Et elle s'appelle Ramla. Nous avons après, donc, Siha, As-Sad, Safiya, bint Man, Ahsant, Ahsant, sahih. Siha, Al-Ha, Salam alaikum, Allah yibarak fik, Al-Ha, ح Hafsa bint man? Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhun. Radiyallahu anhu wa anha. Elha. Siha. Elha. Ha. Ya shabab. Elha. Ha. Vous avez pas? Elha. Hind. Non. Hind bint Umayya. Al-Makhzoumiya. Donc ici, les 11 femmes du prophète, les 11 femmes avec lesquelles s'est marié notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les mères des croyants, qui sont nos mères. Elles ont ce droit sur nous que nous les connaissons.